toujours innocent. Tu prends pas le volant. Déjeuner avec une bouteille de vin. Toto, toto, et prends l'apéro. Pour déjeuner, c'est du rosé. Et après, c'est du Beaujolais. Tout à l'heure de la liqueur. Il n'est pas midi, c'est le martini. Juste avant, c'est alcool relaté. Et puis hier, c'était de la bière. S'il reste du temps, un peu de vin blanc. Sous, sous, sous. Mon oncle est toujours sous. Avec Aline un peu de whisky, Madame Gillac un peu de cognac, avec Pierre ses seins amis.